Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah. Bon, j'ai cité lors de la dernière séance la première condition que le musulman doit remplir avant de critiquer un individu, une jama'a, un livre. Et ce critère ou cette condition, c'est la science. Il faut qu'il y ait la science avant de dire quoi que ce soit, avant de critiquer. Et bon, j'ai parlé aussi. J'ai attiré l'attention de mes frères sur un point, c'est que la science du jarh ta'dil, la science, la branche de la science du hadith qui étudie les qualités des transmetteurs et qui les critique afin d'établir l'authenticité ou de prouver que tel hadith est authentique et tel autre n'est pas authentique, n'a rien à voir avec ce qui se passe aujourd'hui. Ceux qui se réclament du jarh ta'dil, ils disent, nous exerçons cette science, nous mettons en pratique cette science, nous suivons la voie de nos prédécesseurs en critiquant les mubtadi' et tout. Non, ce qu'ils font aujourd'hui n'a rien à voir avec cette science noble. Les savants du jarh ta'dil, leur but c'est de défendre le hadith du prophète sallallahu alayhi wa sallam et de réunir la communauté autour de ces hadiths-là, contrairement à ce que font les frères qui ont été emportés par cette vague aujourd'hui. Ils emploient des qualificatifs qui n'ont rien à voir avec la nomenclature de la science du jarh ou ta'dil, des qualificatifs par lesquels ils divisent la communauté. Et j'ai cité les propos d'Ibn Taymiyyah à ce sujet, puisqu'il a lui aussi vécu cette fitna, lui aussi vécu la fitna des gens qui cataloguent leurs frères, qui font l'ouala ul-bara, le désaveu et l'alliance en vertu des noms au sujet desquels Allah n'a fait descendre aucun pouvoir, aucun argument, comme il a donné l'exemple du nom Shakili et Qarafandi, ou comme aujourd'hui ça existe, Hezbi, Sorori, c'est la même chose. Et bon, là, inshallah, je vais continuer ce qu'a dit Ibn Taymiyyah dans, je crois, dans l'autre séance. J'ai dit que c'est dans le volume 28 qu'il a dit ça, mais c'est dans le volume 3. Les pages 419, 420, etc. Donc je continue ce qu'il a dit à propos de la fraternité religieuse et à propos de l'emploi de ces termes, de ces noms qui n'ont aucun sens et par lesquels on divise la communauté. Il a dit, Fakayfa yajuzu. Là, je continue ce que j'ai dit. Je continue sur ce que j'ai dit la dernière séance. يقول فكيف يجوز مع هذا لأمة محمد صلى الله عليه وسلم أن تفترق وتختلف حتى يوالي الرجل طائفة ويعادي طائفة أخرى بالظن والهوى بلا برهان من الله تعالى. Comment alors, avec tous ces textes, les textes qu'il a cités, que j'ai cité lors de la dernière séance, les tests sur la fraternité religieuse et l'alliance en vertu de la croyance en Allah et en son envoyé, et non pas en vertu de l'appartenance à tel cheikh ou à tel autre ou à tel sexe. Il a dit, فكيف يجوز مع هذا لأمة محمد صلى الله عليه وسلم أن تفترق وتختلف حتى يوالي الرجل طائفة ويعادي طائفة أخرى بالظن والهوى بلا برهان من الله. Comment alors, avec tous ces textes, serait-il permis à la communauté de Muhammad صلى الله عليه وسلم de se diviser et de diverger à tel point que quelqu'un s'allie avec un groupe et se fait l'ennemi d'un autre par passion et en se basant que sur des conjectures sans preuve venant d'Allah subhanahu wa ta'ala. Il prend des amis, il se réclame de telle chair et il se déclare ennemi d'un groupe en se basant sur des conjectures. Il ne sait même pas pourquoi il les prend pour ennemis. وَقَدْ بَرَّ اللَّهُ نبيه صلى الله عليه وسلم من كان على هذا. الله a rendu son prophète صلى الله عليه وسلم innocent celui qui agit ainsi. Celui qui agit ainsi. Allah سبحانه وتعالى a rendu son prophète innocent. برأه innocent de celui qui agit ainsi. فهذا la preuve dans le Coran, إن الذين فرقوا دينهم وكانوا شيعا لست منهم في شيء. Ibn Taymiyyah fait allusion à ce verset-là. Il fait allusion au verset où Allah subhanahu wa ta'ala, il dit: ceux qui ont divisé leur religion et formé des groupes, des sectes, tu n'es en rien des leurs. Regardez ce qu'il dit Ibn Taymiyyah, فهذا فعل أهل البدع كالخوارج الذين فارقوا جماعة المسلمين واستحلوا دماء من خالفهم. Il a dit: c'est ainsi qu'agissent les gens de l'innovation, comme les kharijites qui ont fait scission d'avec le groupe des musulmans et ont jugé licite le sang de quiconque allait à leur rencontre. Les kharijites, qu'est-ce qu'ils ont fait? Bon, tous ceux qui les contredisent, bon, ils les ont excommuniés et ils ont rendu licite leur sang. Et aujourd'hui, qu'est-ce qu'on voit? On voit certains frères, qu'est-ce qu'ils font? Ben, tous leurs contradicteurs, tous ceux qui les contestent, tous ceux qui ne se réclament pas de leur chair, ben, qu'est-ce qu'ils font? Ils jugent licite leur honneur. Hein? Ils jugent licite leur honneur. Ils les taxent de mubtada'. Et ils les qualifient de déviants qui ont. Ils disent qu'ils ont dévié de la voie du salaf. Juste parce que cette personne-là ne s'est pas rangée sous la même bannière de leur. Que leur la, sous la même bannière de leur chair. ويقول وأما أهل السنة والجماعة فهم معتصمون بحبل الله. Quant aux gens de la sunna et de la communauté, ils s'attachent fermement au câble d'Allah, حبل الله سبحانه وتعالى. وأقل ما في ذلك أن يفضل الرجل من يوافقه على هواه وإن كان غيره أتقى منه. L'erreur la moins grave que certains commettent à ce titre est qu'ils préfèrent l'homme qui est d'accord avec eux et partage leur passion, même s'il existe quelqu'un qui est plus pieux que lui. وإنما الواجب وإنما الواجب أن يقدم من قدمه الله ورسوله ويؤخر من أخره الله ورسوله ويحب ما أحب الله ورسوله ويبغض ما أبغض الله ورسوله وينهى عما نهى الله عنه ورسوله وأن يرضى بما رضي الله به ورسوله. Or, ce qui est obligatoire, c'est mettre en avant ce qu'Allah et son envoyé ont mis en avant, et reculer ce qu'Allah et son envoyé ont reculé, aimer ce qu'Allah et son envoyé ont aimé, et détester ce qu'Allah et son envoyé ont détesté, interdire ce qu'Allah et son envoyé ont interdit, et agréer ce qu'Allah et son envoyé ont agréé. وَأَنْ يَكُونَ الْمُسْلِمُونَ يَدًا وَاحِدًا. Il faut aussi que les musulmans forment un seul bloc. فَكِيفَ إِذَا بَلَغَ الْأَمْرُ بِبَعْدِ النَّاسِ إِلَى أَنْ يُضَلِّلَ غَيْرَهُ وَيُكَفِّرَ غَيْرَهُ وَيُكَفِّرَهُ فَكَيْفَ إِذَا بَلَغَ الْأَمْرُ بِبَعْدِ النَّاسِ إِلَى أَنْ يُضَلِّلَ غَيْرَهُ وَيُكَفِّرَهُ وَقَدْ يَكُونُ الصَّوَابُ مَعَهُ وَهُوَ الْمُوَافِقُ لِلْكِتَابِ وَالسُّنَّةِ. Il dit: que dire alors si l'affaire en vient dans le cas de certains hommes à ce qu'ils ont qualifié d'autres d'égarés et de mécréants, alors que ces derniers ont peut-être raison et sont en accord avec le livre et la sunna. وَلَوْ كَانَ أَخُوهُ الْمُسْلِمُ قَدْ أَخْطَأَ فِي شَيْءٍ مِنْ أُمُورِ الدِّينِ فَلَيْسَ كُلُّ مَنْ أَخْطَأَ يَكُونُ كَافِرًا وَلَا فَاسِقًا بَلْ قَدْ عَفَا اللَّهُ لِهَذِهِ الْأُمَّةِ عَنِ الْخَطَأِ وَالنِّسْيَانِ. Et même si leur frère musulman commet une erreur dans une question religieuse, ce n'est pas n'importe qui se trompe devient mécréant ou pervers. Il faut savoir qu'Allah a pardonné à cette communauté l'erreur et l'oubli. Je poursuis. وقد قال تعالى في كتابه في دعاء الرسول صلى الله عليه وسلم والمؤمنين ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا. Allah subhanahu wa ta'ala, exalté soit-il, il a révélé dans son livre cette invocation que doivent lui adresser son envoyé et les croyants: Seigneur, ne nous tiens pas rigueur si nous oublions ou si nous commettons une erreur. وثبت في الصحيح أن الله قال قد فعلت. Et il est établi dans le Sahih, Sahih al-Bukhari, qu'Allah a dit je l'ai fait. C'est-à-dire qu'il a pardonné à cette communauté l'erreur et l'oubli. لسيما وقد يكون من يوافقكم في أخص من الإسلام. مثل أن يكون مثلكم على مذهب الشافعي أو منتسبا إلى الشيخ عادي. Il dit: a fortiori s'il s'agit de quelqu'un qui est d'accord avec vous dans quelque chose de plus particulier que l'islam, il suit comme vous le rite shafi'ite ou se réclame du Sheikh Adi. Là, Ibn Taymiyyah, qu'est-ce qu'il fait? Il va loin. Il parle de divergence au sein même d'un madhab, comme aujourd'hui. Tu vois, les frères, ils suivent à peu près la même voie. Et ils ont en commun plusieurs chouyours. Et pourtant, ils divergent pour rien, pour des passions. pour des passions. Il taxe son frère de mubtadi'a juste parce que bon, il loue un savant, juste parce que le savant qu'il suit n'est pas l'autre, son frère n'est pas d'accord avec lui. ثم بعد هذا قد يخالف في شيء وربما كان الصواب معه. Puis après, par après, diverge de vous donc dans une question dans laquelle il peut même avoir raison. فكيف يستحل عرضه ودمه وماله أو ماله؟ Regardez ce qu'il dit Ibn Taymiyyah رحمه الله. Comment dès lors jugerait-on licite de s'en prendre à son honneur, à son sang ou à ses biens? مع ما قد ذكر الله تعالى من حقوق المسلم والمؤمن. Avec tout ce qu'Allah a rappelé comme droit du musulman et du croyant. Dans tout le Coran, il parle à la fraternité, il parle à la fraternité religieuse. Il demande aux croyants d'aimer leurs frères. إِنَّمَا الْمُؤْمِنُونَ إِخْوَةٌ. Dans beaucoup de hadiths. Et là, il jette tout. Il ne respecte aucun droit de son frère juste parce qu'il s'est trompé ou peut-être même que il a cru qu'il s'est trompé. وَكَيْفَ يَجُوزُ. Suivez ce qu'il a dit. Wallah ibn Taymiyyah, subhanallah, c'est comme s'il vivait au milieu de nous. C'est comme s'il vivait avec nous, notre fitna. وكيف يجوز التفريق بين الأمة بأسماء مبتدعة لا أصل لها في كتاب الله ولا سنة رسوله صلى الله عليه وسلم. Et comment serait-il permis de causer des divisions au sein de la communauté sur la base de noms innovés Shakili, Qarafandi, Sorori, Takfiri, etc. Sur la base de noms innovés qui n'ont aucun fondement ni dans le livre d'Allah ni dans la sunna de son envoyé. وهذا التفريق الذي حصل من الأمة علماؤها ومشايخها وأمراؤها وكبراؤها هو الذي أوجب تسلط الأعداء عليها. Ya subhanallah. Il dit cette division suscitée au sein de la communauté du fait de ses savants, de ses cheikhs, de ses émirs et ses hommes influents, c'est cette division qui a permis à ses ennemis de la dominer. C'est cette division qui a permis à ses ennemis de la dominer. Ben voilà ce que nous vivons aujourd'hui, la domination des pays musulmans par ses ennemis. مجموع الفتاوى الفوليوم 3 الى باج 419 دي بارول والله دي بارول بريسيوز سو كي بارل دو منهج بان فوالا لو فري منهج فوالا لا فوا يا بوكو دو تيكست دو سو جون ابن تيميه مي جي شوازي سيلوي لا ابن تيميه ني با لو سول كي ا فيكو سيت فيتنا دو سورنون الامام الشاطبي اوسي Il a été qualifié de Rafidite, le grand imam. Le grand imam Al-Hafiz Ibn Battah, il raconte, c'est l'auteur de l'Ibana, Ubaydullah ibn Muhammad ibn Battah Al-Ukbari, qui est mort en 387 de l'Hégire. Lui, qu'est-ce qu'il dit? Ben, il raconte sa situation. Il dit, عجبت من حالي في سفري وحضري مع الأقربين مني والأبعدين والعارفين والمنكرين. Il a dit, je m'étonne de mon cas quand je suis en voyage ou quand je ne le suis pas. Avec mes proches et les lointains, avec ceux qui me connaissent et ceux qui ne me connaissent pas. فإني وجدت بمكة وخراسان وغيرهما من الأماكن أكثر من لقيت بها موافقا أو مخالفا. دعاني إلى متابعته على ما يقول وتصديق قوله والشهادة له. La plupart des gens que j'ai rencontrés à la Mecque, à Khorasan et ailleurs, parmi ceux qui sont d'accord avec moi ou non, m'appellent à me conformer à ce qu'ils disent, à tenir pour vrai leurs paroles et à témoigner en leur faveur. Il a dit, فإن كنت صدقته فيما يقول وأجزت له ذلك كما يفعل أهل هذا الزمان سماني موافقا. Il a dit, si je reconnais ce qu'il dit et je l'approuve comme font les gens aujourd'hui, la plupart, lui, c'est lui qui dit ça. Il me qualifie de muafiq, d'approbateur. وَإِنْ وَقَفْتُ عَلَى حَرْفٍ مِنْ قَوْلِهِ أَوْ مِنْ فِعْلِهِ سَمَّانِ مُخَالِفًا. Si je conteste un de ses propos, je désapprouve un de ses gestes, il me surnomme مُخَالِف. وَإِنْ ذَكَرْتُ فِي وَاحِدٍ مِنْهُمَا أَنَّ الْكِتَابَ وَالسُّنَّةَ بِخِلَافِ ذَلِكَ بخلاف ذلك وارد سماني خارجيا وإن ذكرت في واحد منهما أن الكتاب والسنة بخلاف ذلك وارد سماني خارجيا. Si je lui dis que peut-être que ce qu'il a dit ou ce qu'il a fait est contraire au livre et à la sunna, il me surnomme kharijit, il me taxe directement. C'est ce qui se passe aujourd'hui. Wa in qara'tu alayhi hadithan fi at-tawhid sammani mushabbihan. Si je lui récite un hadith sur l'unicité, il me qualifie de mushabbih, d'assimilationniste, c'est-à-dire que j'assimile Allah à ses créatures. وإن كان في الرؤيا سماني سالميا. S'il s'agit d'un hadith sur la vue d'Allah le jour de la résurrection, il me surnomme salimi, il me taxe dans une secte. وإن كان في الإيمان سماني مرجئيا. Si je lui cite un hadith sur la foi, il me taxe, il me dit que je suis murji'. وإن كان في الأعمال سماني قدريا. Si c'est un hadith qui parle des œuvres, il me qualifie de qadarit. وإن كان في المعرفة سماني كراميا. C'est un hadith qui parle de la connaissance, il va me surnommer karamit. وإن كان في فضائل أبي بكر وعمر. Si je lui cite un hadith sur les mérites d'Abu Bakr et de Omar, il va me qualifier de nasibi. وإن كان في فضائل أبي بكر وعمر سماني ناصبيا. Nasib, c'est la secte qui attaque les gens de la famille du prophète. وإن كان في فضائل أهل البيت سماني رافديا. Si c'est un hadith qui parle des mérites des gens de la maison du prophète, أهل البيت, il va me qualifier de chiite. وإن سئلت عن تفسير آية أو حديث فلم أجب فيهما إلا بهما سماني ظاهريا. Si je me suis interrogé s'il m'interroge sur le sens d'un verset ou d'un hadith et que je l'explique par les propres termes de ce verset et de ce hadith, il me qualifie de ظاهري, littéraliste. وإن أجبت بغيرها سماني بطنيا. Si je l'explique par d'autres termes, il me qualifie de batinite, c'est-à-dire le partisan de l'ésotérisme. وإن أجبت بتأويل سماني أشعريا. Si je lui donne une interprétation métaphorique, il va me qualifier d'ashaarit, etc., etc. وإن كان في القرآن سماني حنبليا. وإذا ذكرت bon, il est tout ce qu'il dit, il le taxe. Dès qu'il la moindre chose qu'il dit, bon, il le taxe dans une secte, comme la fitna que nous vivons aujourd'hui. Et à la fin, qu'est-ce qu'il a dit? ومهما وافقت بعدهم عاداني غيره وإن دهنت جماعتهم أسخطت الله تبارك وتعالى. وإن دهنت جماعتهم أسخطت الله تبارك وتعالى. Si je me mets en accord avec certains d'entre eux, les autres se déclarent mes ennemis. Comme ce qui se passe exactement aujourd'hui. وإن دهنت جماعتهم أسخطت الله تبارك وتعالى. Si je transige avec tout leur groupe, je m'attirerai le courroux d'Allah سبحانه وتعالى. ولن يغنوا عني من الله شيئا. Et ils ne me serviront rien contre Allah. وَأَنَا مُتَمَسِّكٌ بِالْكِتَابِ وَالسُّنَّةِ وَأَسْتَغْفِرُ اللَّهَ الَّذِي لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ وَهُوَ الْغَفُورُ الرَّحِيمُ. Il a dit, je m'accrocherai alors fermement au livre et à la sunna et j'implorerai le pardon d'Allah en dehors de qui nul n'est en droit d'être adoré, lui, le Ghafour, le Clément, le Pardonneur et le Miséricordieux. Ça, c'est le site l'imam Shatibi dans Kitab al-Atisam. Le volume 1 et les pages de 20 à 22. Voilà, je cite cet exemple pour consoler ceux qui sont victimes de ce genre de qualificatif. Avant de passer à la deuxième condition que doit remplir celui qui juge les individus et les groupes, la première condition, comme j'ai dit, l'ilm, je dis à mes frères que quand ils n'arrivent pas à distinguer le faux du vrai, quand ils tombent dans la confusion, quand ils hésitent sur un point de doctrine ou un énoncé juridique ou un comportement ou un manhaj, ils doivent revenir toujours aux sources, aux principes fondamentaux, l'asl, aux principes qui gèrent ces choses-là. Quels sont les cinq besoins indispensables à l'homme, les daruriyat, comme a dit l'imam Shatibi, que la religion vise à protéger? Quels sont les cinq besoins indispensables à l'homme que la religion essaie de protéger? C'est quoi? C'est d'abord l'islam, la foi de la personne, la religion de la personne. Et puis la personne, sa personne, lui-même, la procréation, les biens et la raison. Ce sont les cinq besoins nécessaires. Ad-din, an-nafs, an-nasl, an-nasab, l'mal, ou l'aql. Qui dit? La personne dit son sang et son honneur. C'est-à-dire que la religion vise à protéger quoi? La personne du musulman, c'est-à-dire son sang et son honneur. C'est l'une des finalités de la religion. D'accord? Maintenant, quel est l'énoncé juridique de base en ce qui concerne l'honneur du musulman? Quel est le hukm qui gère l'honneur du musulman? Ben écoutez, le hukm de base, c'est l'interdiction formelle de s'en prendre à l'honneur du musulman. Ça, c'est quelque chose qui est connu par nécessité. Même nos grands-pères et nos grandes-mères le savent, que l'honneur du musulman est sacré. Il faut pas s'en prendre à lui. D'accord? L'asl thani. En principe, à la base, le musulman est innocent. Il est innocent. Il est exempt de tout défaut. Bara, c'est ce que les savants appellent bara'at al-dhimma. Il est innocent. On annule pas la certitude par le doute ou la conjecture. Mais on annule une certitude par une certitude semblable. À la base, il est innocent. À la base, il n'est pas mubtadi'. À la base, il n'est pas négaré. Jusqu'à preuve évidente du contraire. Et ce n'est pas à la base, il est mubtadi' jusqu'à ce qu'il me prouve qu'il est sunnite. Non. C'est pas bon, ça. C'est à l'envers. Ça, c'est la voie des kharijites. Ce n'est pas la voie des gens de la sunna. Donc, ça, c'est le deuxième principe. L'asal thani, on ne sort de ces deux principes qu'en vertu d'une preuve évidente et claire, comme le soleil en un jour sans brouillard. On ne sort pas de ces deux principes que j'ai cités qu'en vertu d'une preuve évidente. Passons maintenant à la deuxième condition. L'ilm, la deuxième condition, c'est quoi? C'est l'ikhlas. L'ikhlas, le désir de plaire à Allah et l'éloignement des passions. L'éloignement des passions de l'homme, de l'âme. Wa ma umiru illa liya'budu Allah mukhlisina lahu ad-din. Il ne leur a été commandé que d'adorer Allah en lui vouant un culte, en lui consacrant un culte exclusif. Quand tu réfutes un contestataire, un adversaire, quand tu réfutes un mubtadi', quand tu mets en garde contre lui, quand tu juges un tel et un tel, il faut le faire en vue de plaire à Allah et en vue de porter bon conseil, et non pas en vue de plaire au groupe à qui tu appartiens ou à ton cheikh. Le motif qui te pousse à le faire, à réfuter ou à critiquer, doit être aussi la miséricorde à l'égard de la personne que tu critiques. Lui vouloir du bien. Je le critique, je lui veux du bien. Je veux qu'il se dirige sur la voie droite parce qu'il est mon frère. Le but doit être noble. L'intention doit être bonne. La da'wa des prophètes, le manhaj des prophètes, non seulement des salafs, je dis les salafs, les prophètes, tournent autour de quoi? De la devise suivante, de la parole suivante. Inni akhafu alaykum azab yawmin azim. Je crains pour vous le châtiment d'un jour, d'un grand jour, d'un jour solennel, le jour de la résurrection. Ça, les prophètes le répètent. Quand Allah subhanahu wa ta'ala les envoie à leur communauté, ben, c'est ce qu'ils disent à leur communauté. Avant de لقد أرسلنا نوحا إلى قومه فقال يا قوم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره إني أخاف عليكم عذاب يوم عظيم. Nous avons envoyé Nuh à son peuple et il leur dit: Ô mon peuple, adorez Allah car vous n'avez aucun autre Dieu que lui. Je crains pour vous le châtiment d'un jour solennel. Dans Sourate Al-A'raf, Shu'aib, il a dit: Inni akhafu alaykum azab yawm muhit. Je crains pour vous le châtiment qui s'abattra le jour où vous serez cerné. Dans Sourate Hud, Nabi Hud, le prophète Hud, il a dit à son peuple: Inni akhafu alaykum azab yawmin azim. Je crains pour vous le châtiment. Je vous veux du bien. Ce n'est pas comme font certains aujourd'hui. Il critique son frère et il dit: Je veux t'écraser, je veux t'anéantir. Je veux me montrer supérieur. Ah, ça y est, il se réjouit quand il découvre une erreur. Ah, maintenant j'ai trouvé l'erreur. J'ai trouvé par quoi je veux me montrer supérieur à lui. Ça fait longtemps que je le cherchais. Ce n'est pas ça le ménage de Salaf. Le ménage, c'est: je crains pour vous le châtiment. Leur vouloir du bien. Et le fait de se servir de son frère pour se montrer supérieur, ou le fait de le critiquer par ostentation, ça c'est grave. Yaqul Rasul sallallahu alayhi wa sallam, Le prophète sallam a dit: "Man akala bi rajulin muslimin aklatan fa inna Allah yut'imuhu mithlaha min jahannam." Celui qui médit d'un musulman et s'en prend à son honneur et profite de cette médisance pour manger ne serait-ce qu'une bouchée de nourriture, Allah lui donnera à manger une bouchée du feu dans la gêne. Dans la gêne, dans l'enfer. وَمَنْ كُسِيَ ثَوْبًا بِرَجُلِ الْمُسْلِمِينَ فَإِنَّ اللَّهَ يَكْسُوهُ مِثْلَهُ فِي جَهَنَّمْ. Celui qui a critiqué un musulman auprès d'une personne qui est hostile à ce dernier et que cette personne lui donne comme récompense une parure, Allah le vêtira d'un habit de feu dans la gêne. ومن قام برجل مقام سمعة ورياء فإن الله يقوم به مقام سمعة ورياء يوم القيامة. Celui qui se sert d'un musulman éminent pour se faire respecter par les gens et pour qu'il lui fasse des dons, Allah le rangera parmi ceux qui agissent par ostentation et le dénoncera le jour du jugement. Hadith rapporté par Abu Daoud et Ahmed et les qualifiés d'authentique par le Cheikh l'Albani. Faites très attention à la question de l'ikhlas. Est-ce que tu le fais en vue de plaire à Allah ou de te montrer supérieur? Tu te sers de ton frère. Voilà, tu découvres, voilà, j'ai découvert une erreur, bon... ça veut dire que je suis supérieur à lui, voilà, je suis plus intelligent, etc. Et ça, c'est grave. Il faut ikhlas, il faut lui porter conseil, lui vouloir du bien. Yaqul ibn Taymiyyah rahimahullah. Yaqul ibn Taymiyyah rahimahullah. Wa hakadha ar-radd. Wa hakadha ar-radd ala ahli al-bid'ah min ar-rafidah wa ghayrihim. Illam يقصد فيه بيان الحق وهدى الخلق ورحمتهم والإحسان إليهم لم يكن عمله صالحا. لا ce n'est pas la réfutation c'est pas la réfutation d'un sunnite, la réfutation des mubtadi', des gens du mubtadi', des chiites, des vrais chiites. Il dit: si la raison qui pousse l'homme à réfuter les innovateurs rafidites, chiites et autres n'est pas le fait de montrer la vérité, de guider les gens, de leur faire miséricorde et d'agir parfaitement à leur égard, cette réfutation n'est pas considérée comme une œuvre pie. Vous avez bien entendu? Si même si on répond aux chiites qui sont très loin de la sunna, il dit: si le but n'est pas de montrer la vérité, si le but n'est pas guider les gens, si le but n'est pas de leur faire miséricorde et l'ihsan, et d'agir parfaitement à leur égard, alors ça ne sert à rien de réfuter, ça ne sert à rien de faire rad, ça ne sert à rien de les critiquer. Cette réfutation a dit n'est pas considérée comme une œuvre pie. وَإِذَا غَلَّظَ فِي ذَمِّ بِدْعَةٍ وَمَعْصِيَةٍ كَانَ قَصْدُهُ بَيَانَ مَا فِيهَا مِنَ الْفَسَادِ لِيَحْذَرَهَا الْعِبَادُ كَمَا فِي نُصُوصِ الْوَعِيدِ وَغَيْرَهَا. Il a dit: et s'il condamne sévèrement une innovation ou un péché, son intention doit être de montrer son caractère néfaste afin que les gens l'évitent, comme ce qui se trouve dans le texte de la menace et autres, c'est-à-dire les textes qui parlent du châtiment et de l'enfer. C'est-à-dire quand il condamne sévèrement, ce n'est pas pour défendre sa propre personne, ce n'est pas parce que ça lui déplaît personnellement, mais non, il doit le faire, et il doit le faire pour que les gens l'évitent. كان قصده بيان ما فيها من الفساد ليحذرها العباد فكل جون ليفيت. وقد يهجر الرجل عقوبة وتعزيرا والمقصود بذلك ردعه وردع أمثاله للرحمة والإحسان لا للتشفي والانتقام. L'homme, il a dit, l'homme peut être mis en index en punition de ce qu'il a commis, c'est-à-dire on le fait l'hajar, peut être mis en index, en punition de ce qu'il a commis. Mais il faut que le but qui nous a poussé à agir ainsi, à le mettre en index, à ne pas lui adresser la parole, il a dit, il faut que le but qui nous a poussé à agir ainsi à son égard soit sa dissuasion et la dissuasion de ses semblables dans un esprit de miséricorde et de bienfaisance. Les rahmati wal ihsan. La litashaffi wal intiqam, et non pas pour se réjouir à ses dépens et se venger de lui. Comme a dit Ibn Taymiyyah là, dans Minhaj Sunna al-Nabawiyya, le volume 5, et la page 239. Souvent, quand ils font, les frères font l'hajr, c'est pas pour plaire à Allah, ce n'est pas pour que la personne soit, pour dissuader la personne et ses semblables, mais non, le but c'est de se venger de lui, c'est pour se réjouir à ses dépens. ça leur plaît qu'il voit leur frère banni et exclu. قال ابن نصر الدمشقي ابن نصر الدمشقي أدي هيهات هيهات إن في مجال الكلام في الرجال عقبات il a dit loin loin sans nous dans le domaine de la critique des hommes il y a beaucoup d'obstacles مرتقيها على خطر celui qui cherche à les franchir se met en danger là c'est la critique des hommes il a dit que c'est dangereux c'est une voie dangereuse Celui qui cherche à les franchir se met en danger. Et celui qui les franchit par passion ne sera pas à l'abri des péchés et des fautes. Si celui qui critique son frère demande des comptes à lui-même, et s'interroge, qu'est-ce qui l'a poussé à agir ainsi? Qu'est-ce qui l'a poussé à critiquer son frère? Il dit, Ibn Nasr al-Dimashqi, le grand savant, il dit, il s'apercevra que c'est le hawa, que c'est la passion qui mène l'homme à la perdition. Il a dit ça dans son kitab al-Radd al-Wafir. Kitab al-Radd al-Wafir, c'est un livre dans lequel il défend le cheikh de l'islam Ibn Taymiyyah. Donc très attention aux passions. Les frères qui sont tombés dans cette fitna, la fitna du tajrih, j'entends par tajrih la critique, pensent que tout le monde a tort, tout le monde est dans l'égarement. Subhanallah, le shaitan, il se joue des gens, attention. Qu'est-ce qu'ils font certains frères, ils procèdent par élimination. Ils disent, bon, écoutez, bon, de 72 sectes en enfer, ben, il reste que le groupe sauvé. Il dit, moi, je fais partie du groupe sauvé. Et puis, ils éliminent. Et quand ils disent, bon, voilà, même un tel savant est tombé, un tel derrière est tombé dans le bid'a, il est content. Il dit, oh, regardez, le grand savant est tombé dans le bid'a, et moi, je suis resté ferme. C'est sûr que je fais partie de ce groupe. Hein, de ce groupe sauvé. Shaitan, lui, c'est sûr ça. Hein? Il croit que voilà, il va éliminer les gens et là, il va rester un petit groupe. Il va rester un petit groupe, ben, dont il fera partie, bien sûr, et il entrera au paradis. Il a oublié qu'Allah subhanahu wa ta'ala qal kullu nafsin bima kasabat rahina. Chaque âme est l'otage de ses œuvres. C'est l'œuvre. Le paradis s'obtient par la foi et l'œuvre salutaire. Écoutez bien cet extrait d'une lettre de l'ascète Abbad ibn Abbad al-Khawas. C'est un zahid. Cette lettre se trouve dans les sunan de l'imam al-Darimi, du grand imam de la sunna, du hadith. Cette lettre se trouve dans sunan al-Darimi. Lettre de Abbad ibn Abbad al-Khawas, c'est un homme vertueux, un homme ascète. Il a dit, regardez, très bon conseil, très précieux. وَلَا تَعِيبُ بِالْبِدَعِ تَزَيُّنًا بِعَيْبِهَا. Il a dit quand vous condamnez les innovations et vous les critiquez, cela ne doit pas être dans l'intention de vous en servir comme une parure. C'est-à-dire, il ne faut pas penser que cela vous élèvera. Regardez ce qu'il a dit. وَلَا تَعِيبُ بِالْبِدَعِ تَزَيُّنًا بِعَيْبِهَا فَإِنَّ فَسَادَ أَهْلِ الْبِدَعِ لَيْسَ بِزَائِدٍ فِي صَلَاحِكُمْ. Il a dit la corruption des gens de l'innovation n'ajoutera rien à votre piété. Ça ne vous élèvera pas au regard d'Allah subhanahu wa ta'ala. فَإِنَّ فَسَادَ أَهْلِ الْبِدَعِ لَيْسَ بِزَائِدٍ فِي صَلَاحِكُمْ وَلَا تَعِيبُهَا بَغْيًا عَلَى أَهْلِهَا. Ne critiquez pas les innovations dans un esprit d'hostilité et d'injustice envers leurs auteurs. فَإِنَّ الْبَغْيَ مِنْ فَسَادِ أَنْفُسِكُمْ. Car l'hostilité et l'injustice proviennent de la corruption de vos propres âmes. Il y a des gens, bon, ils savent que tel frère, par exemple, est tombé dans une innovation, a suivi telle tendance chiite et tout, mais quand ils s'en prennent violemment et ils le traitent avec injustice. Mais le fait de le traiter avec injustice, c'est un défaut que ses frères ont, c'est-à-dire qu'ils rendront compte de cette injustice là. Il a dit Car l'hostilité et l'injustice proviennent de la corruption de vos propres âmes, propres âmes, et ne proviennent pas de la corruption de la personne que vous avez critiquée, que vous avez taxée de mubtada. Il a dit, il ne convient pas que le médecin soigne les malades avec un remède qui les guérit et qui le rend malade. Il ne convient pas que le médecin soigne les malades avec un remède qui les guérit, qui guérit les malades et qui le rend malade lui. Il critique un mubtadi', mais il s'en prend à lui. C'est comme s'il le soigne et en même temps le même remède, il se répercute contre lui. Il a dit, s'il tombe malade, il s'occupera de sa maladie au point de négliger de soigner ses malades. Il a dit, ولكن ينبغي أن يلتمس لنفسه الصحة ليقوى بها على علاج المرضى. Il faut qu'il veille sur sa santé pour avoir la force de soigner les malades. Comment un malade peut-il soigner un malade comme lui, hein? Quelqu'un qui est malade par l'ostentation, par le désir de se montrer supérieur, est malade par l'envie, par la colère, par l'imitation servile. Comment il va-t-il soigner les autres malades, les autres qui sont malades par la bid'a ou par autre chose? Lui déjà il est malade. C'est ce qu'il voulait dire. Il faut d'abord veiller à notre santé. Il faut que nous veillions à notre santé. Il faut que nous corrigeons ce qui est en nous-mêmes. L'ostentation et tout ça, le hasad et tout ça, il faut que nous soignions avant de soigner les autres. فليكن أمركم فيما تنكرون على إخوانكم نظرا منكم لأنفسكم ونصيحة منكم لربكم وشفقة منكم على إخوانكم. En condamnant une action blâmable commise par vos frères, vous devez en même temps examiner vos âmes. Vous devez avoir pour intention de porter conseil pour votre Seigneur, et vous devez être poussé par de la compassion pour vos frères. Il n'y a pas cette compassion. Il n'y a que l'hostilité et la dureté envers les frères. Vous devez avec tout cela vous préoccuper de vos propres défauts plus que vous ne préoccupiez des défauts des autres. Très très bon conseil. Passons maintenant à la troisième condition. La troisième condition c'est la piété de la langue. Qu'il sache celui qui critique les gens, les groupes, il critique les mouvements, les sectes, qu'il ne faut pas qu'il lance des accusations et des jugements à tort et à travers. Il récuse un tel et réhabilite tel autre. Il juge qu'un tel a raison, tel autre a tort, sans vraiment cerner l'affaire de tous ses côtés. Quand la langue transgresse les limites religieuses et morales qui lui sont assignées, qu'est-ce qu'elle fait? Elle s'en prend à l'honneur des gens et suscite la haine et l'hostilité au sein de la communauté. Allah subhanahu wa ta'ala a dit ma yalfidu min qawlin illa ladayhi raqibun atid. Il ne prononce pas un mot sans qu'il y ait auprès de lui un observateur averti. Dans surat Qaf. Et qu'est-ce qu'a dit le prophète sallallahu alayhi wa sallam à Mu'ad? Thaqilatka ummuka ya Mu'ad, que ta mère te perde. Qu'est-ce qui fait culbuter les gens sur leur visage dans le feu si ce n'est sous l'action de leur langue? Ibn al-Qayyim rahimahullah, il a dit dans le kitab al-Jawab al-Kafi liman sa'ala 'an ad-dawa' al-Shafi. Ibn al-Qayyim a dit: "Wa min al-'ajabi anna al-insana yahunu 'alayhi at-tahaffuz wal-ihtiraz min akl al-haram wal-dhulm wal-zina was-sariqa wa shurb al-khamr." Il a dit: "Ce qui est étonnant, c'est de voir l'homme se préserver facilement des gains illicites, de l'injustice, de la fornication, du vol, de la boisson, du regard interdit, ainsi que d'autres péchés, alors qu'il lui est difficile de contrôler sa langue. حتى يرى الرجل يشار إليه بالدين والزهد والعبادة وهو يتكلم بالكلمة من سخط الله لا يلقي لها بالا ينزل فيها أبعد ما بين المشرق والمغرب. Il y a dit à tel point qu'on voit certains hommes connus pour leur attachement à la religion, leur ascèse et leur dévotion, prononcer des paroles suscitant le courroux d'Allah sans en mesurer les conséquences, alors que celles-ci peuvent les jeter en enfer sur une distance supérieure à celle qui sépare l'Orient de l'Occident. وَكَمْ نَرَى مِنْ رَجُلٍ مُتَوَرِّعٍ عَنِ الْفَوَاحِشِ وَالظُّلْمِ وَلِسَانُهُ يَفْرِي فِي أَعْرَاضِ الْأَحْيَاءِ وَالْأَمْوَاتِ La yubali ma yaqul. Combien d'hommes évitent scrupuleusement les turpitudes et l'injustice alors que leur langue attaque sévèrement l'honneur des vivants et des morts sans se soucier de ce qu'ils disent. La ilaha illallah. Écoutez ce récit de Abdurrahman ibn Omar al-Asbahani dans le livre Tabiyin Kadhib al-Muftari. Il a dit. C'est une tradition, c'est un récit. Il a dit, nous étions dans une assemblée présidée par Abdurrahman ibn Mahdi. Kunna fi majlisi Abdurrahman ibn Mahdi. Abdurrahman ibn Mahdi, c'est un imam de hadith. C'est l'imam de hadith de son époque. Ses cheikhs sont Malik, Sufyan, Thawri, Sumayya, Sufyan ibn Uyayna, qui encore Shu'ba, et ses disciples sont qui l'imam Ahmed ibn Hanbal, c'est l'un de ses disciples, Yahya ibn Ma'in, Ali ibn Madini, qui sont les chouyoukhs de l'imam Bukhari. Abdurrahman ibn Mahdi, c'est un géant en science du hadith dans le domaine du Jarh al-Ta'dil. Il a dit "Kunna fi majlis Abdurrahman ibn Mahdi, iz dakhala alayhi shabun fama zala hatta ajlasahu ila janbih." Il a dit, nous étions chez Abdurrahman ibn Mahdi quand un jeune entra. Ibn Mahdi insista pour que celui-ci s'assoie à côté de lui. Et dakhala alayhi shabun fama zala hatta ajlasahu ila janbi. Qala fa qama shaykhun min al majlis fa qala ya aba sa'id in hadha al shab yatakallamu fika hatta innahu la yukathibuk. Et là un shaykh se leva et dit, oh Abu Sa'id, il a dit à Abdurrahman ibn Mahdi, il l'a appelé par son surnom, il a dit par sa kunya, oh Abu Sa'id, ce jeune te critique et il va jusqu'à te qualifier de menteur. Et là, Abdurrahman ibn Mahdi, فقال عبد الرحمن أعوذ بالله من الشيطان الرجيم قال تعالى ادفع بالتي هي أحسن فإذا الذي بينك وبينه عداوة كأنه ولي حميم وما يلقاها إلا الذين صبروا وما يلقاها إلا ذو حظ عظيم. سورة فصلت. عبد الرحمن بن مهدي الذي je prends refuge en Allah contre Satan le lapidé. Allah le très haut a dit, repousse le mal parce qu'il est meilleur, et voilà que celui qui te témoignait de l'hostilité se transforme en un fervent allié. Mais une telle faveur d'âme ou d'une telle grandeur d'âme est seulement le privilège de ceux qui savent faire preuve de patience et de ceux qui jouissent d'une grâce peu commune. Ma yulaqaha illa alladhina sabaru wa ma yulaqaha illa dhu hazzin azim. عبد الرحمن بن مهدي دي. ثم قال عبد الرحمن حدثني أبو عبيدة الناجي قال كنا في مجلس الحسن البصري إذ قام إليه رجل فقال يا أبا سعيد إنها هنا قوما يحضرون مجلسك ليتتبعوا سقط كلامك. عبد الرحمن دي إلى دي أبو عبيدة Al-Naji a dit, nous étions dans l'assemblée d'Al-Hassan al-Basri. Oh, les savants n'ont pas été beaucoup. Depuis longtemps, les savants, on les critique, on essaie de déceler leurs fautes. Il a dit, nous étions dans l'assemblée d'Al-Hassan al-Basri. Quand un homme se leva et dit, oh Abu Sa'id, il y a ici des gens qui assistent à ton assemblée. Ils attendent que tu te trompes pour souligner tes erreurs. Ils ne suivent pas ce qu'il dit. Il ne suit pas ses enseignements, non, mais ils attendent qu'il se trompe et il souligne. Chaque erreur, il chasse les erreurs. Comme ce que font certains frères aujourd'hui. Il a son portable, son téléphone portable, son enregistreur, et il enregistre. Dès qu'il tombe sur un mot qui lui paraît ambigu ou qui prouve que ce savant s'est trompé, ben, il le chope comme ça, il l'expose, il le divulgue. Il a dit, il y a ici des gens qui assistent à ton assemblée pour guetter tes erreurs. فقال الحسن الحسن البصري يا قال يا هذا إني أطمعت نفسي في جوار الله فطمعت. الحسن lui répondit, oh un tel, j'ai inspiré en mon âme l'espoir d'être auprès d'Allah et est là espérer, elle a espéré être auprès d'Allah. J'ai inspiré en mon âme l'espoir de jouir des houris aux grands yeux noirs, les femmes du paradis, et elle a espéré, elle a espéré jouir de ces femmes. وأطمعت نفسي في السلامة من الناس فلم تطمع. J'ai inspiré en mon âme l'espoir d'être à l'abri des méfaits des gens, mais il ne l'a pas espéré. إني لما رأيت الناس لا يرضون عن خالقهم علمت أنهم لا يرضون عن مخلوق مثلهم. Quand j'ai constaté que les gens ne sont pas contents de leur propre créateur, j'ai compris qu'ils ne peuvent pas être contents d'une créature comme eux. Dites-moi, pourquoi l'islam a prescrit de demander l'autorisation avant d'entrer chez quelqu'un? Il y a même des règles de bienséance relatives à l'istidhan, la demande d'autorisation d'entrée. C'est pour éviter que les yeux de l'entrant ne tombent sur quelque chose de déplaisant, sur quelque chose que les habitants de la maison ne veulent pas qu'on voit. Il y a des textes clairs. Ya ayyuha alladhina amanu la tadkhulu buyutan hatta tasta'dhinu. Vous qui avez la foi, n'entrez pas dans d'autres maisons que les vôtres sans en demander la permission, sans en avoir au préalable salué les habitants. Si on vous dit de retourner, retournez, comme Allah a dit dans Surat Nour. يا أيها الذين آمنوا ليستأذنكم الذين ملكت أيمانكم والذين لم يبلغوا الحلم منكم ثلاث مرات dans Sourate An-Nur. Oh, vous qui croyez que ceux d'entre vous qui n'ont pas atteint la puberté ainsi que vos domestiques demandent la permission d'entrer en trois occurrences avant l'aube, au moment du midi, après la prière du Isha. Il est rapporté dans Sahih Muslim que Jabir radiyallahu anhu قال نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يطرق الرجل أهله ليلا يتخونهم أو يلتمس عثراتهم. Jabir, dans le Sahih de Muslim, Jabir a dit, l'envoyé d'Allah a déconseillé à l'homme qui était en voyage ou qui s'était longtemps absenté de rentrer chez sa femme la nuit à l'improviste, ou de frapper à la porte de sa maison la nuit pour voir si elle ne l'avait pas trahi, ou pour découvrir en elle un défaut ou la surprendre en train de commettre une faute. نهى الرسول صلى الله عليه وسلم أن يطرق الرجل أهله ليلا يتخونهم أو يلتمس عثراتهم. Il a interdit à l'homme qui était en voyage ou qui s'était longuement absenté d'entrer comme ça, à l'improviste chez sa femme. Il voulait la surprendre ou il voulait découvrir en elle un défaut ou il voulait vérifier s'il l'avait trahi ou sa propre femme, et pourtant le prophète sallam il a interdit cela, de suivre comme ça les défauts. Il y a dans ce sens beaucoup de hadiths. Quand le prophète sallam retournait du voyage, il disait à ses compagnons d'attendre, puis ils envoyaient quelqu'un prévenir leur famille de leur retour. Or, si le prophète sallam il a interdit à l'homme de scruter les erreurs de sa propre famille, a fortiori, il ne faut pas scruter les erreurs des autres et rechercher à les surprendre ou en train de commettre une faute. Ça, c'est une règle qu'il faut saisir. En quoi consiste la piété de la langue? Celui qui critique un individu, une jama'a, une secte, un livre, doit avoir la langue chaste. Il doit utiliser des termes décents et raffinés. Il doit choisir des expressions douces et éviter les mots grossiers et le langage bas. Allah subhanahu wa ta'ala, dans un hadith authentique, Inna Allah yubghidu al-fahish al-badi', Allah déteste l'homme grossier et indécent. Hadith rapporté par Tirmidhi ibn Hibban et se trouve dans Sahih Targhib de Sheikh Albani. وإلى دي صلى الله عليه وسلم ليس المؤمن بالطعان ولا اللعان ولا بالفاحش البذيء. إلى دي صلى الله عليه وسلم le croyant n'est ni quelqu'un qui dénigre les gens, ni quelqu'un qui multiplie les malédictions, ni quelqu'un d'indécent, ni quelqu'un d'insolent. Hadith rapporté par Imam Ahmed, il se trouve dans Silsila Sahiha. L'imam Sakhawi a dit, قال الإمام السخاوي وإذا أمكنه الجرح بالإشارة المفهمة أو بأذنى تصريح لا تجوز له الزيادة على ذلك. L'imam Sakhawi a dit, s'il peut récuser l'autorité ou le témoignage d'un rapporteur ou le critiquer par une allusion compréhensive ou par une déclaration la moins expresse possible, il ne faut pas qu'il en rajoute. فلا تجوز له الزيادة على ذلك فالأمر المرخص فيها للحاجة لا يرتقى فيها إلى زائد على ما يحصل الغرض. Il est dit, dans l'affaire pour laquelle une licence a été accordée en cas de besoin, il faut se contenter du nécessaire et ne pas user exagérément de celle-ci. La religion autorise le muhaddith de critiquer le rapporteur du hadith dans le but pour juger que tel hadith est authentique ou tel hadith ne l'est pas. Il a le droit de récuser, il a le droit de critiquer, mais il ne doit pas dépasser, il ne doit pas en rajouter. Et puis il a dit l'imam Sakhawi rahimahullah, il a dit wa qad ruwina 'an al-Muzani qal sami'ani ash-Shafi'i yawman wa ana aqulu fulan al-kadhdhab. Il nous a été rapporté qu'al-Muzani a dit, Al-Shafi'i m'a entendu dire un jour, Al-Muzani c'est l'élève de l'imam Shafi'i. Il rapporte, Al-Muzani rapporte, il a dit, Al-Shafi'i m'a entendu dire un jour, un tel est un menteur, à propos d'un transmetteur de hadith. Aqul fulan al-kazzab, faqala li, ya Ibrahim, uksu al-fadhak ahsanaha, la taqul kazzab, walakin qul hadithuhu laysa bishay. Il me dit, oh Ibrahim, choisis les belles expressions. Ne dis pas menteur, mais dis son hadith n'est rien ou son hadith n'a aucune valeur. Il a dit ainsi al-Bukhari en raison de son scrupule. Ainsi al-Bukhari, l'imam al-Bukhari, sahib sahih. L'imam al-Bukhari, en raison de son scrupule de sa langue, il disait rarement de quelqu'un qu'il est menteur. Et pourtant, lui, c'est un savant du Jarh wa Ta'dil, critique les rapporteurs. Il a dit, l'imam Sakhawi, que rarement l'imam al-Bukhari disait de quelqu'un qu'il est menteur, ou fabulateur, wadda', c'est-à-dire celui qui forge des hadiths de toutes pièces. Dans la plupart des cas, il disait, il ne se sent pas prononcé à son sujet. Où il disait son autorité est discutable, où ils l'ont abandonné. Certes, parfois il disait un tel l'a taxé de mensonge ou un tel l'a accusé de mensonge. Là, c'est dans le livre Al-I'lan bit-Tawbikh liman dhamma ahl at-Tawrikh, page 68-69 de Hafid Sakhawi. La piété de la langue consiste également à veiller à couvrir le musulman. À la base, il faut couvrir ton frère musulman. Il faut taire ses défauts. Abu Bakr Siddiq, radiallahu anhu, il a dit, si je ne trouve que mon vêtement, لو لم أجد للسارق والزاني وشارب الخبر إلا ثوبي لأحببت أن أستر عليه أن أستره عليه. Il a dit, si je ne trouve que mon vêtement pour couvrir le voleur ou le fornicateur ou le buveur, je le ferai. Il a dit, je le ferai. Hadith rapporté par Abd al-Razzaq dans son Musannaf. Et l'imam du Jarh wa Ta'dil, un spécialiste du hadith et des spécialistes dans le domaine de la récusation et de la critique des rapporteurs, à savoir Yahya ibn Ma'in. Yahya ibn Ma'in, c'était un contemporain, c'est de camarade de l'imam Ahmed. Il disait, ما رأيت على رجل خطأ إلا سترته وأحببت أن أزين أمره وما استقبلت رجلا في وجهي بأمر يكرهه ولكن أبين له خطأه فيما بيني وبينه فإن قبل وإلا تركته. Il a dit, quand je constate que quelqu'un a commis une erreur, je le couvre et je m'efforce de le justifier. Je n'ai jamais heurté de front quelqu'un, mais je me mets en tête à tête avec lui et je lui montre son erreur. S'il accepte, tant mieux, sinon je le laisse. Ça, c'est dans Sir A'lam Nubala de l'imam Zahabi, dans le volume 11. C'est très intéressant ce que dit Ibn Ma'in. Déjà chez les savants du Jarh wa Ta'dil, quand ils trouvent une ou deux ou plusieurs raisons qui le poussent à récuser l'honorabilité d'un transmetteur de hadith, il se contente d'exposer une raison seulement, pas deux ou trois. L'imam Sakhawi a dit, quand on a deux raisons qui nous poussent à récuser, à ne pas accepter un rapporteur, à récuser l'honorabilité d'un rapporteur, et qu'une seule raison suffit, on doit se contenter d'une seule. Al-Izz ibn Abd al-Salam, il rapporte ses propos de l'Izz ibn Abd al-Salam. Il a dit, l'Izz ibn Abd al-Salam, grand savant, a dit dans ses règles, il n'est pas permis aux témoins, « Innahu la yajuzu li shahid, ay yajraha bi dhanbayni mahma amkana al-iktifa'u bi ahadihima. » Il n'est pas permis aux témoins de récuser le témoignage d'autrui en citant deux de ses fautes s'il peut se contenter d'une seule. Car la critique n'est permise qu'en cas de nécessité. Et la nécessité doit être appréciée à sa juste valeur. فَإِنَّ الْقَدْحَ يَجُوزُ لِلْضَرُورَةِ فَلْيُقَدَّرْ بِقَدَرِهَا وَوَافَقَهُ الْقَرَافِي وَهُوَ الظَّاهِرِ. Et l'imam Sakhawi a dit, le Qarafi le confirme dans cela, et c'est cet avis qui est le plus pertinent. Ça, il le dit dans son kitab, Fath al-Murid, le volume 3, page 325. Parce qu'on ne critique pas pour la critique, mais on critique pour un but noble, l'authenticité, pour dire que tel hadith est authentique, ou il ne l'est pas, ou pour porter conseil, pour autre chose noble. Mais on ne critique pas pour critiquer. Le but, ce n'est pas la critique. La piété de la langue consiste aussi à quoi ? À ne pas mentir. À ne pas mentir. قول الله جل وعلا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وكونوا مع الصادقين. سورة التوبة. Ô vous les croyants, craignez Allah et soyez avec les véridiques. Le mensonge est une très mauvaise qualité. Le mensonge est lié à la trahison. C'est l'un des traits caractéristiques de l'hypocrite, comme vous le savez tous. Il a des conséquences graves sur la communauté. Parce qu'il inverse, qu'est-ce qu'il fait le mensonge ? Il inverse les réalités, il met les gens dans la confusion. Et le plus grave des mensonges, c'est le fait de mentir au sujet d'Allah et de son envoyé. Hein ? « وَمَنْ أَظَّمُ مِمَّنْ إِفْتَرَى عَلَى اللَّهِ كَذِبًا لِيُضِلَّ النَّاسَ بِغَيْرِ عِلْمٍ إِنَّ اللَّهَ لَا يَهْدِي الْقَوْمَ الظَّالِمِينَ » Comme a dit Allah subhanahu wa ta'ala dans sourate l'An'am. Qui donc est plus injuste que celui qui forge des mensonges sur Allah pour égarer les gens sans le moindre savoir. En vérité, Allah ne guide pas les injustes. Wa qala Rasul sallallahu alayhi wa sallam, inna kadhiban alayya laysa ka kadhibin ala ahad. Faman kadhaba alayya muta'ammidan falyatabawwa maq'adahu min an-nar. Ne pensez pas que le fait de mentir à mon sujet est la même chose que le fait de mentir au sujet de quelqu'un d'autre. Celui qui ment intentionnellement à mon sujet, sa place est réservée en enfer. Ça, c'est rapporté par l'imam Muslim. Après Allah et son envoyé, il y a les alliés d'Allah parmi les compagnons et leurs pieux successeurs parmi les ulama, les savants, les du'ats et les réformateurs, les muslihin. Les successeurs, les savants sont, comme a dit le prophète, les héritiers des prophètes. Donc mentir au sujet d'un savant, d'un prédicateur, leur imputer des paroles ou des fatwas qu'ils n'ont pas dites, rapporter sur leur compte des propos mensongers, est un péché capital. Certains frères le font. Quand un cheikh ou un da'iya ne suit pas leur manhaj ou réfute leur cheikh, ils cherchent par tous les moyens à le casser, à salir sa réputation, quitte à mentir à son sujet, à lui attribuer des choses mensongères, à le qualifier de mubtadi', de morji'a ou de takfiri, alors qu'il est innocent de tout cela. Ils mentent pour défendre leur jama'a ou leur secte, pour défendre leur cheikh. Certains jama'a aussi usent du mensonge et le font au nom de ce qu'ils appellent l'intérêt de la prédication, maslahat al-da'wa. Pour eux, la fin justifie les moyens, ce qui est faux. Tout ce qui est bâti sur de faux est du faux. Allah subhanahu wa ta'ala ne mettra pas de la bénédiction dans une da'wa qui repose sur du mensonge. Même quand on répond aux ennemis de l'islam et on réfute leur courant de pensée destructrice, on ne doit pas mentir. Et a fortiori, on ne doit pas mentir au sujet des musulmans et des croyants. Et Inch'Allah, je continue ce sujet Donc, la prochaine fois, subhanaka Allahumma bihamdik, ashhadu an la ilaha illa ant, astaghfiruka wa atubu ilayk.